regarde pas quand je rêve. Je touche le soleil, je m'élève. Quand tu me regardes, je perds de l'altitude, je tombe. Tu me regardes avec les yeux du quotidien. J'aimerais tant m'en échapper, tu ne comprends rien. Tu te fermes comme une fleur qui dans la nuit a peur. Qu'allons-nous devenir quand tu sauras que je ne t'aime? Phosphorescent sur le plafond se dévoile. Les enfants dans leur lit comptent les étoiles. Que ressentiront-ils quand les lueurs s'en iront? Je n'ai plus de joie, j'ai enterré des chagrins là. Ma joie, tu ne sais pas. Les enfants courent pressés de grandir leur passé. Qu'allons-nous devenir quand tu sauras que je ne t'aime? Saint-Valentin, sur mon cœur les dépose.